الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس ان صلاه الجماعه في المسجد شعيرة عظيمة وميزة من مزايا هذا الدين العظيم وهي واجبة على الرجال دون النساء ومن أجل ذلك يا عباد الله بنيت المساجد ورفعت الأصوات بالأذان حي على الصلاة حي على الفلاح قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين فهذا أمر من الله رب العالمين بالمحافظة على الصلاة وإقامتها مع الراكعين أي في المساجد في بيوت الله عز وجل ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بادر إلى بناء المسجد صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل صلاة على المنافقين أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا ثم هددهم عليه الصلاة والسلام فترك الجماعة وإهمال المساجد من صفات المنافقين الذين لا يحبون مساجد الله ولا يطمئنون إلى ذكر الله ولا يحبون إقامة الصلاة فالصلوات عليهم ثقيلة وأثقلها عليهم صلاة العشاء والفجر قال الله عز وجل فيه ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وقال سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وعند مسلم رحمه الله قال رجل من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعمى يا رسول الله ليس لقائد يقودني إلى المسجد، فسأله رخصة أن يصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فسبحان الله، كان الرجل أعمى، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بإجابة المؤذن وبحضور الصلاة في المسجد. فدلت هذه النصوص الشرعية أيها المسلمون إلى وجوب صلاة الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى في حق الرجال. أما في حق النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وأقيموا الصلاة في بيوت الرحمن، فإن ذلكم من سنن نبيكم عليه الصلاة والسلام. وقد كثرت النصوص التي تحرضنا على إقامة الصلاة في مساجد الله عز وجل، وتبين لنا فضل ذلك يا عباد الله. من ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف أي تزيد على صلاته في بيته أو في سوقه 25 درجة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في الصلاة من انتظر الصلاة. فما أعظم هذه الدرجات، وما أكثر هذه الأجور. ومن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بكل خطوة يخطوها إلى المسجد 10 حسنات. رواه أحمد. وحتى في طريق رجوعك إلى بيتك يا عبد الله تكتب لك آثار. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة، وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذه الأجور العظام، وبالصلاة في بيوت الرحمن. فبالصلاة في بيوت الرحمن رفع للدرجات ومحو للسيئات وغفران للسلات. من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسفر الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ولما أراد بنو سلمة أن تنتقل إلى قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم أيزم دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وهكذا في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، رواه الشيخان. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ردى إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، أي ضيافة، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله: أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، رواه الشيخان. ففي هذا الحديث دليل على أن المحافظة على الصلاة في بيوت الله سبب للفوز بالجنة والنجاة من النار، وأن أهل المساجد هم ضيوف الرحمن وهم في كرامته وفي ضيافته. ومن حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ في بيت فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على المحافظة على الصلاة في المسجد. وأبشركم ببشارة سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فهذه بشارة نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين أكرمنا بهذا الدين العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، القائل: من بنى لله مسجدًا لا يريد بذلك إلا وجه الله بنى الله له بيتًا في الجنة. وبعد، sachez mes chers frères que parmi les emblèmes de notre noble religion, il y a la prière à la mosquée, la prière en groupe à la mosquée Salat al-Jama'ah fil masjid, et ceci est une obligation pour les hommes, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vanté les mérites de ceux qui peuplent les mosquées et nous a encouragés à ériger ces mosquées. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: celui qui construit une mosquée ne recherchant à travers cela que le visage d'Allah, Allah lui construira une mosquée ou Allah lui construira une maison au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a vanté les mérites de ceux qui peuplent les mosquées et qui préservent leurs prières, et dont ni le travail ni la charia vente ne distrait de la prière et du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a ordonné la prière en groupe dans le Coran lorsqu'il nous dit, sur la traduction des sens de ce verset: et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Après nous avoir ordonné l'accomplissement de la prière, Allah Azza wa Jalla nous ordonne de nous incliner avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire à la mosquée de prier en groupe. Ceci est l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les premières choses qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois arrivé à Medina, est de construire la mosquée. Et lui-même a participé à cette noble tâche. Il portait lui-même les pierres et la terre, sallallahu alayhi wa sallam. De délaisser la prière à la mosquée est une chose très dangereuse. Et c'est une ressemblance avec les hypocrites, ceux qui seront au plus profond de l'enfer, iyadou billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: la prière la plus lourde. C'est-à-dire que toutes les prières pour les hypocrites sont lourdes. Et il n'aime pas la prière. Il n'aime pas se tenir debout devant Allah Azza wa Jal. Il n'aime pas la mosquée. Le prophète alayhi salam dit la prière la plus lourde pour les hypocrites, ou les prières les plus lourdes pour les hypocrites, sont la prière du Isha et la prière de Al-Fajr. Et s'ils avaient une connaissance des nombreuses récompenses qu'on accordera à ceux qui les préservent, ils y auraient assisté. Ils y auraient assisté, même en rampant. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a menacés de par le délaissement, ou à cause du délaissement de cette prière. Donc le fait de délaisser la prière à la mosquée est une ressemblance avec les hypocrites qu'Allah nous en préserve. Allah Azza wa Jal dit à leur sujet dans le Coran, selon la traduction des sens de ce verset, et ils n'assistent à la prière qu'avec paresse. Ils n'assistent à la prière qu'avec paresse. Et ils ne dépensent de leur argent qu'en détestant cela. Et dans un autre passage, et ils n'accomplissent la prière qu'avec fainéantisme, qu'avec paresse. Et ils ne la font qu'avec ostentation. Qu'avec ostentation pour le regard des gens. Et ils n'invoquent Allah que très peu. Ils n'invoquent Allah que très peu. Or, le croyant, lui, serait attaché à la mosquée. Il aime la mosquée et il dépense pour se voir élever les mosquées d'Allah Azza wa Jal. Il ne veut pas inscrire son nom sur cette mosquée. Il n'attend pas l'élargie qu'on lui montre du doigt pour avoir élevé cette mosquée. Mais il fait cela pour qu'Allah Azza wa Jal soit adoré. Il fait cela pour qu'Allah Azza wa Jal soit unifié. Allah dit en Coran, « وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا » Et les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Un homme qui était aveugle a dit au messager d'Allah, « Ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Est-ce que tu me permets de prier chez moi ?» Et dans une autre version, il habitait loin. Le prophète alayhi wa sallam lui a dit, tu peux prier chez toi. Lorsque l'homme s'en alla, le prophète alayhi wa sallam l'interpella. Et il lui a dit, oh Abel, est-ce que tu entends Abel? Il lui a dit oui. Il lui a dit alors, réponds. Alors assiste à la prière en groupe à la mosquée, bien qu'il était aveugle. Que dire alors de nous qui avons la santé et la vue, alhamdulillah, azza wa jal, quelles fausses excuses on pourrait se trouver et se donner, et quelles excuses on pourra avancer le jour dernier, le jour du jugement. Tous ces textes nous montrent, et bien d'autres encore, l'obligation de prier à la mosquée. Et ceci est propre aux hommes. Quant aux femmes, le prophète, alayhi wa sallam, dit, n'interdisez pas à vos épouses de prier à la mosquée. Mais leurs demeures sont meilleures pour elles. Et Umayy a dit au messager d'Allah, j'aime tant faire la prière avec toi dans ta mosquée. Le prophète alayhi lui a dit, je sais que tu aimes prier avec moi dans la mosquée, mais sache que la prière effectuée chez toi est meilleure que la prière effectuée dans ta cour. Et sache que la prière effectuée dans la mosquée de ton quartier est meilleure que la prière effectuée dans ma mosquée, alors que la prière dans la mosquée du prophète alayhi salam est mille fois meilleure que la prière effectuée dans une autre mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vanté les mérites de la prière en groupe à la mosquée et nous a encouragé à préserver celle-ci. Et très nombreux sont ces textes, par exemple dans le recueil de Bukhari Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière de l'homme effectuée en groupe a plus de mérite que la prière de l'homme effectuée seul ou effectuée au marché. Et lorsqu'il nous dit effectuée au marché, c'est-à-dire en groupe en dehors de la mosquée, la prière de l'homme effectuée à la mosquée en groupe et 25 fois mieux ou bien augmente à cette récompense et meilleure que cette récompense de 25 degrés. Que la prière effectuée seule ou la prière effectuée en groupe ailleurs comme au marché. Donc en priant à la mosquée, tu as 25 degrés de plus. Ceci car lorsque la prière, la personne fait un wudu. Ceci car lorsque la prière fait un wudu, puis elle sort de chez elle pour la mosquée, rien ne la fait sortir de chez elle si c'est la prière. Cette personne ne fera pas un pas sans que par cela on l'élève d'un degré et on lui efface un péché. Puis, lorsqu'il arrive à la mosquée et prend sa place, il ne cesse d'être en prière. Il est considéré déjà en prière et les anges invoquent en sa faveur après la prière en disant, ou plutôt, et les anges prient sur lui et font dua pour lui, « Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. » Toutes ces récompenses pour celui qui fait le wudu et sort de chez lui pour venir prier à la mosquée. À chaque fois qu'il fait un pas, on lui efface un péché, on l'élève de degré. Dans un autre hadith, le hadith de Urba ibn Amr, on nous dit, pour chaque pas, il y a 10 degrés. Pour chaque pas, il y a 10 degrés, rapporté par l'imam Ahmed. Et même le retour de la mosquée au domicile, pour cela, la personne se voit récompensée. Car dans un autre hadith, le hadith de Abdullah ibn Amr, on nous dit que ces récompenses sont à l'aller et également au retour. Uthman radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ses ablutions et les parfaits, puis marche vers la mosquée pour y accomplir une prière obligatoire avec l'imam, se verra pardonner tous ses péchés passés. Allah Akbar. Il fait le wudu chez lui, il sort pour venir prier à la mosquée. Allah Azza wa Jal lui efface ses péchés passés, c'est-à-dire les petits péchés. La tribu de Banu Salima, lorsqu'elle a eu connaissance de l'espace vide autour de la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam, a voulu déménager. Le prophète alayhi salatu wa salam, après avoir su cela, est parti les voir et leur a dit, Ya Banu Salima, il n'est pas venu que vous voulez déménager près de la mosquée. Est-ce exact? Ils ont répondu oui au messager d'Allah. Il leur a dit, restez dans vos habitations, car vous sont inscrits tous vos pas. Car vous sont inscrits tous vos pas. Et au Ka'b ibn Malik, ou bien Bey ibn Ka'b, a vu un homme qui venait de loin, il venait à pied. À chaque fois, il venait à la mosquée, il venait de loin, il venait à pied. Alors il lui a dit, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas un âne afin de te faciliter le chemin vers la mosquée? Il lui a dit, jamais je ne ferai cela après ce que j'ai entendu du messager d'Allah. J'espère la récompense pour chacun de mes pas. J'espère la récompense pour chacun de mes pas. Et on annonce la bonne nouvelle à tous ceux qui viennent prier à la mosquée et préservent cette prière à la mosquée. La nouvelle faite par celui qui ne parlait pas sous l'effet de la passion. Mais ça n'était qu'une révélation inspirée. La bonne nouvelle du meilleur des hommes et messager Mohammed ibn Abdillah. Sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vous dit, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent souvent, à ceux qui marchent très souvent vers les mosquées, alors qu'il fait nuit, ou bien dans les ténèbres, ou bien dans la pénombre. D'une lumière complète comme un triage. Et dans un autre hadith, Allah va accorder à ceux qui marchaient vers les mosquées une lumière complète le jour de la résurrection. Ceci est la bonne nouvelle et la promesse du prophète alayhi salatu wassalam. Et cela fait référence particulièrement à la prière du soir et à la prière de l'aube. Abu Huraira radiallahu anhu nous cite encore d'autres bienfaits. Et il nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pour chaque pas fait vers la mosquée, on t'écrit une sadaqa. Tu as la récompense d'une aumône. Il nous dit également, celui qui sort le matin à la mosquée, ou il sort le soir à la mosquée, à chaque fois qu'il sort le matin ou le soir, Allah lui prépare au paradis un accueil. L'accueil de l'invité. À chaque fois qu'il sort le matin ou le soir, Allah Azza wa Jal lui prépare un accueil, l'accueil de l'invité. Nuzulan, c'est-à-dire diyafatan. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a. Il est donc, comme a dit Mubaz rahimahullah, il a emprunté un chemin du paradis, un chemin qui le préserve de l'enfer, et c'est l'invité du tout miséricordieux. Ceux qui peuplent les mosquées sont les invités d'Allah Azza wa Jal. Et dans un autre hadith, on nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait wudu est parfait son wudu, puis il sort à la mosquée, il est le visiteur d'Allah. Il est le visiteur d'Allah. Et c'est un droit pour celui qui est visité d'honorer celui qui l'a visité. Et que pensez-vous de l'accueil du riche, du généreux? Que pensez-vous de l'accueil d'Allah Azza wa Jal pour celui qui est venu poser son front dans sa mosquée, pour celui qui est venu s'incliner, se prosterner devant lui et l'unifier subhanahu wa ta'ala? Abu Hurayra radiallahu anhu, ou plutôt Abu Umama radiallahu anhu, nous dit également que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Thalathatu kulluhum dhabiun ala Allah, in aasha ruziqa wa kufi, wa in mata adkhalahu Allahu jannah. Pour trois personnes, Allah leur garantit, pour trois personnes, Allah leur donne la garantie, s'ils vivent, de leur accorder la richesse, bien la subsistance et la suffisance. Et s'ils meurent, de les faire entrer au paradis. Parmi les trois, le prophète alayhi salam dit, celui qui, lorsqu'il rentre chez lui, il dit assalamu alaykum, il passe le salam. La deuxième personne, wa huwa shahidun min al-hadith, celui qui sort à la mosquée. Celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée. Fahwa dhamin ala Allah. Il a la promesse d'Allah, une garantie chez Allah. S'il vit encore, de lui donner sa subsistance et la suffisance. Et s'il meurt, de le faire entrer au paradis. Ces gens-là ont aimé la mosquée d'Allah. Ils ont œuvré et fait les efforts pour prier tout le temps dans la mosquée d'Allah. Ces gens-là, l'homme de Qiyamah, Allah les préservera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu. Cette catégorie de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour, il n'y aura pas de trône si ce n'est un ciel. C'est-à-dire l'ombre du trône, comme c'est venu dans notre version du hadith. Parmi ces sept personnes, Shah al-Imam al-Hadi, وشاب نشا في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. Un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, et un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Un homme dont le cœur est rattaché à la mosquée. Celui qui aime la mosquée et qui se soucie de prier à la mosquée, cette personne-là sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal, Yom al-Qiyam. Et les mérites de la prière à la mosquée, d'élever les mosquées, de préserver les mosquées, sont bien plus nombreux que cela. Wallahu a'lam. Wa sallallahumma wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Il y a un frère qui assiste à nos cours, le frère Yassine, qui a eu une lourde épreuve ces jours-ci. Il y a eu un incendie chez lui, chez sa famille, à Pantin ou Porte des Lilas, et tout l'appartement a brûlé, et par la grâce d'Allah Azza wa Jal, il était absent et lui a été préservé et sorti par les pompiers après avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, on demande à Allah Azza wa Jal de les préserver et de leur remplacer ce qu'ils ont perdu par meilleur. Allahumma asrih umurahum kullaha wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa sabbirhum ya rabbal alamin. Aussi, ce sujet nous appelle à la dépense pour les mosquées élevées, les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cela, il faut être sincère. Et dans cela, il faut rechercher que l'agrément et le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, on vous encourage à dépenser de ce qu'Allah azza wa jalla vous a facilité, afin que la mosquée, celle-ci et beaucoup d'autres encore, s'élèvent pour qu'Allah azza wa jalla soit unifié et adoré tabaraka wa ta'ala. Wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.